Voici l'acte de renaissance d'un pays, le Congo. Congo, écolo monene, tobosanate Congo. Congo, écolo nabiso, tobongisa yango, Congo. Sana malamu bongo to bongisa Congo. Kitwa jika kiena pasiko.